Le mardi 21 février, ici Dominique Lelièvre et les informations. Le présumé auteur de l'attentat contre la mosquée de Sainte-Foy, Alexandre Bissonnette, a brièvement comparu en avant-midi au palais de justice de Québec, et ce pour la deuxième fois depuis les faits du 29 janvier. Les procureurs de la Couronne ont remis à la défense la preuve accumulée jusqu'à présent. L'avocat de Bissonnette a de son côté obtenu une ordonnance de non-publication. Il n'écarte pas non plus la possibilité de demander une expertise psychologique à l'endroit de son client. Alexandre Bissonnette, rappelons-le, fait toujours face à 11 chefs d'accusation de meurtre et de tentative de meurtre. Et présent à l'annonce, le vice-président du Centre culturel islamique, Mohamed Labidi, a fait part de sa compassion à l'endroit de l'accusé en soulignant son jeune âge. Il a mentionné qu'il suivrait avec attention toutes les procédures judiciaires afin de s'assurer que le crime soit puni à la hauteur de la peine qui a été causée aux familles endeuillées. Monsieur Labidi a également mentionné que des 5 blessés de l'attentat, 2 se trouvaient encore aux soins intensifs, dont 1 se trouve encore dans le coma et dont la situation continue d'inquiéter. Les chauffeurs du RTC tiendront dimanche prochain un vote de grève. Sans convention collective depuis l'été dernier, les 950 chauffeurs sont conviés par leur syndicat à une assemblée la fin de semaine prochaine pour faire le point sur les négociations avec leur employeur. Impossible de connaître l'état de ces discussions puisque le syndicat et le RTC n'ont pas souhaité commenter. La dernière grève au réseau de transport de la capitale remonte à 2004. 11 journées de grève avaient en 2004, causé plusieurs désagréments aux usagers du transport en commun. Et la gratuité pour les services de garde, au même titre que l'école publique, c'est l'une des recommandations de la Commission sur l'éducation à la petite enfance qui dévoile aujourd'hui son rapport après plusieurs semaines de consultation. La Commission estime qu'il faut miser davantage sur le développement des enfants en bas âge et que tous devraient avoir des chances égales d'accéder à une éducation de qualité, y compris ceux qui se trouvent en milieu défavorisé. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Ça sent nuage cet après-midi à Québec. Il va faire moins 1 cet après-midi. Ce soir et cette nuit, quelques averses de neige, risque de pluie verglaçante tard ce soir et au cours de la nuit. Les températures seront stables cette nuit après de moins 2. Demain mercredi, des nuages, un maximum de 3 degrés. De la pluie jeudi avec 6 degrés. 4 degrés vendredi, toujours sous les nuages. Présentement à Québec, c'est généralement nuageux. On a moins 3 degrés.